Attraper se dit fangen et anfangen, c'est débuter. Anfangen, anfangen. Comment diriez-vous « nous allons bientôt commencer » ? Wir werden bald anfangen. Anfangen. Anfangen. Bien. Wir werden bald anfangen. Nous allons bientôt commencer. Oui. Et pour dire « nous commençons bientôt ». Wir fangen bald an. Wir fangen bald an. Quand commencez-vous? Se dit wann. Wann fangen Sie an? Bien. Wann fangen Sie an? Quand commençons-nous? Wann fangen wir an? Bien. Wann fangen wir an? Appeler, c'est rufen. Rufen. Rufen, oui. Mais appeler au téléphone est légèrement différent et se dit... Pensez que vous appelez votre amie Anne au téléphone? Anrufen. Anrufen, oui, tout à fait. Donc, comment diriez-vous, pourriez-vous m'appeler plus tard? Könnten Sie... Mich... Mich... Tard. Spät. Spät, c'est tard, oui. Et donc, pourriez-vous m'appeler plus tard? Könnten Sie mich später anrufen? Anrufen, bien. Encore une fois. Könnten Sie mich später anrufen? Anrufen. Könnten Sie mich später anrufen? Et je vais vous appeler plus tard. Ich rufe Sie später an. Bien. Ich rufe Sie später an. Ich rufe Sie später an. La phrase est correcte. Vous avez juste choisi d'utiliser le présent. Mais en employant le futur, comment direz-vous « je vais vous appeler plus tard »?« Je vous appellerai plus tard ». Ich werde Sie später anrufen. Bien. Ich werde Sie später anrufen. Je vous appelle plus tard pour vous demander si vous pouvez rester avec nous ce soir. Je vous appelle plus tard. Ich rufe Sie später. Au téléphone? An. Bien. Ich rufe Sie später an. Et maintenant, pour, dans le sens de, afin de, je vous appelle plus tard pour vous demander. Pour vous demander, c'est-à-dire afin de vous demander. Dans ce cas en allemand, on utilise um zu. Um et zu accompagné d'un verbe. Par exemple, demander. Comment dit-on demander? Fragen. Fragen. Bien. Et donc, pour demander se dira zu fragen. Bien. Pour demander, c'est zu fragen. Et pour vous demander? Sie zu fragen. Parfaitement. Sie zu fragen. Donc, je vous appelle plus tard pour vous demander, se dira. Ich rufe Sie später an, Sie zu fragen. Ich rufe Sie später an, Sie zu fragen. Je vous appelle plus tard pour vous demander, afin de vous demander. Sie zu fragen. Sie zu fragen, si vous pouvez rester avec nous ce soir. Ich rufe Sie später an, Sie zu fragen. Si. Ob. Bien. Hop, c'est le si de si vous pouvez, oui ou non. Hop, vous pouvez rester avec nous ce soir. Hop, z. Hop nous place dans une situation semblable à weil, où le verbe est rejeté à la fin. Hop, z. Hop, sie mit uns. Ce soir. Heute Abend. Bleiben können. Bien. Ob Sie mit uns heute Abend bleiben können. Bien. Espérer se dit hoffen. À vous? Hoffen. Hoffen. H-O-2-F-E-N. Pensez à Monsieur Hoffmann, comme dans les contes d'Hoffmann. Hoffmann, c'est l'homme espoir. Mann, comme nous l'avions vu, c'est homme. Et hoffen, c'est espérer. Comment direz-vous j'espère? Ich hoffe. Ich hoffe. Mm-hmm. En allemand, que se dit das? Das, dans ce cas, s'écrit D-A-2-S. Das. Et nous place dans une situation identique à celle rencontrée dans les phrases avec weil. Donc, j'espère que je peux le faire se dira Ich hoffe. Ich hoffe, dass je peux le faire, dass ich es tun kann. Bien, ich hoffe, dass ich es tun kann. Et j'espère qu'il arrivera demain. Ich hoffe, dass... Dass, il arrivera demain. Arriver, c'est... Kommen, ankommen. Ankommen, ankommen. Donc, ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass... Er... Er... Arrivera demain, va arriver demain. Morgen ankommen wird. Wird, bien. Ich hoffe, dass er morgen ankommen wird.